Exercice 4, page 124. A. Fil, fille. B. Bal, bail. C. Seul, seuil. D. Foule, fouille. E. Pige, pille. F. Âge, aille. G. Jeu, yeux. H. Rouge, rouille.